بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، سندخل سانكيام السيز التور دو سيت نوبل رسالة دو سون إيمينونس شيخ ربيع حفظه الله تعالى، l'éclaircissement sur les lacunes et les failles qu'il y a dans la nasiha du Cheikh Ibrahim al-Ruhayli. Et nous sommes à la page 29 de cette risala, incha'Allah. Et, qala al-Docteur Ibrahim, fi safha 21, sadisan, yushra'u al-hajru li thalat maqasid shar'iyya, dallat alayha al-adillat wa qarraraha al-aimmatu al-muhaqqiqoon min ahli sunna. Et Cheikh Rabbi Hafidhahu Allah Ta'ala de nous citer des paroles de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli à la page 21 de sa nasiha, où il dit: sixièmement, il est légiféré de faire l'hajr, il a mis en quarantaine, pour trois buts légiférés qui sont prouvés par les preuves du livre de la sunna et confirmés par les imams authentificateurs parmi les gens de la sunna. Cheikh Rabbi, en bas de la page, il dit: Cher docteur a limité les buts de l'Hajr légiféré en trois buts. Et ça va venir à l'éclaircissement sur le plus important parmi ces buts à son moment, Inch'Allah. À son moment, Inch'Allah. يقول الدكتور الرحيلي: المقصد الأول الهجر لمصلحة الهاجر، فللمسلم أن يهجر كل من يتضرر بمجالسة من المخالفين كأهل البدع والمعاصي الذين يتضرر بمجالستهم في دينه. Le premier but, dit Cheikh al-Ruhayli, c'est le fait de mettre de s'éloigner de quelqu'un et pour l'intérêt de celui qui s'éloigne. Donc le musulman, il dit, il a le droit de délaisser quelqu'un, de le mettre à la quarantaine, parce que le fait d'être avec lui, ça va lui amener du mal. Le fait d'être avec ceux qui sont en divergence, ça va lui amener des mal, comme les gens de l'innovation ou ceux qui sont dans les désobéissances, parce que ils vont décoller un mal pour la personne dans sa religion. Cheikh Rabbi en bas, il dit, il aurait dit dur. Dire qu'il était du devoir du musulman, et non pas pour l'intérêt, celui qui met à la quarantaine, il peut le faire et s'éloigner des gens qui vont lui faire du mal dans sa religion, etc. يقولوا الدكتور إبراهيم الرحيلي وقد دل على هذا حديث أبي موسى الأشعري المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله جميعا. دكتور Ibrahim al-Ruhayli, il dit, ce but, il trouve sa preuve dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, رضي الله عنه qui a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple du compagnon vertueux et du mauvais compagnon, c'est comme le vendeur du musc ou le maréchal ferrant, celui qui avec le feu et avec son soufflet souffle sur le feu pour faire des matériaux en fer, etc. Donc le vendeur de musc, soit tu vas partir avec des bonnes odeurs, soit tu vas lui acheter quelque chose, soit il va te faire sentir ou te faire badigeonner d'un peu de bonnes odeurs, etc. Soit tu vas lui acheter du parfum et tu vas, en restant avec lui, tu ne sentiras que des bonnes odeurs. Le maréchal ferrant, soit il va brûler tes vêtements, soit tu vas être tes vêtements et toi-même tu vas être imprégné de mauvaises odeurs. يقول الدكتور الرحيلي ففي هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمجالسة الصالحين لما فيها من النفع المتعدي لجلسائهم وتحذير من مجالسة السيئين لما يلحق من مجالسهم من الضرر في الدين. الشيخ الرحيلي يقول dans ce hadith il y a une orientation, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous oriente de savoir, alayhi salatu wassalam, il nous montre comme quoi le fait d'être avec un compagnon vertueux, il y a un bien, parce que le bien de ces vertueux, il les dépasse, il va pour atteindre les autres qui sont en leur compagnie. Et aussi le Rasoul sallallahu alayhi wassalam dans ce hadith nous avertit des gens du mal, parce que leur mal, il va atteindre aussi ceux qui sont en leur compagnie, il va leur faire du mal dans leur religion. يقول الشيخ ربيع أقول أضف إلى هذا الحديث الشريف ذم الله لأهل الزيغ وبيانه لحالهم وأنهم يتقصدون الفتن, هذا مع تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. قال الله تعالى هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الشيخ ربيع دديخ rajoute à ce noble hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les gens de la déviance, et il nous a montré, il nous a éclairé sur leur situation, et il nous a éclairé sur le fait que les gens de la déviance cherchent le fitna. Rajoute ça à l'avertissement du messager alayhi salatu wassalam qui nous a averti contre eux. Il nous cite le verset où il est dit, dont la traduction approximative dit: c'est lui qui t'a descendu le livre. Dans ce livre, il y a des versets qui sont clairs. Et ces livres, ce sont l'origine du livre et la mère du livre. Et d'autres versets qui ne le sont pas. Quant à ceux qui ont de la déviance dans le cœur, ils suivent ce qui n'est pas clair, cherchant avec ça la fitna et cherchant à lui donner une fausse interprétation. Et ne connaissent son interprétation qu'Allah. Et ceux qui sont ancrés dans la science disent: nous croyons en Allah, tout vient de notre souverain, et se rappellent ceux qui sont doués de raison. يقول الشيخ ربيع وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم, أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كنت إلى سيتي سو فيرسي إلى دي كوم إلى غابورت بار الإمام البخاري بار الإمام مسلم كوم لو سيتي سي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى دي الرسول صلى الله عليه وسلم دي سي فو فوي سو كي شيرش qui suivent l'ambigu, ce qui n'est pas clair, ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, a désignés. Il faut faire attention à eux. Il faut faire attention à eux. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Yaqulu الشيخ ربيع حفظه الله فنستفيد من هذه الآية وهذا الحديث وغيرهما من الأدلة أن القصد من ذم أهل البدع والتحذير منهم مصلحة الهاجرين ولو كانوا علماء. الشيخ ربيع de nous dire, et capte bien ce message que nous envoie الشيخ ربيع et ses éclaircissements. Il dit: nous retenons de ce verset, de ce hadith et d'autres Parmi les preuves que le but du blâme des gens de l'innovation et le fait d'avertir contre eux, hein, c'est pour l'intérêt de celui qui les met à la quarantaine et qui les délaisse et qui les quitte, même s'ils sont des hommes de science. Là, cette clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à Cheikh Rabi Hafidhullah, il dit, nous devons retenir de ce verset et de ce hadith et d'autres preuves que le but du blâme des gens de l'innovation et l'avertissement contre les gens de l'innovation, c'est pour l'intérêt de celui qui va les délaisser, qui va les laisser de côté, même s'il est un homme de science. يقول الشيخ فليفهم هذا وهذا الذي فهمه السلف الصالح وطبقه هجرا وتحذيرا وبيانا لضلالاتهم وأحكاما عليهم وعليها ووالله نال حقهم في هذا التطبيق. الشيخ d'attirer notre attention, Cheikh Rabi, il dit, il faut comprendre ça. Et c'est ce qu'ont compris les pieux prédécesseurs de Allah alim. Et c'est ce qu'ils ont mis en application en mettant à la quarantaine et en avertissant et en donnant des éclaircissements sur les égarements des innovateurs et en les jugeant, en mettant des jugements sur eux et sur l'innovation et sur l'égarement. Et il dit, par Allah, nous n'arrivons pas à leur mise en application et à cette mise en application. C'est-à-dire la mise en application de Al-Salaf. يقول الشيخ وكم هو البون شاسعا بيننا وبينهم ومع هذا البون الشاسع نرمى بالغلو والتشدد. Il dit, et combien nous sépare du position, et de la mise en application de ce point, combien ça nous sépare du salaf, combien on est loin de la pratique des salafs concernant ce point. Et malgré tout ça, on est traité de durs et d'extrémistes. فيقول الشيخ فما هي نظرتهم من السلف الصالح ومنهجهم وتطبيقهم وأحكامهم. Il dit maintenant, il pose la question, c'est quoi leur vision sur les pieux prédécesseurs, leur voix et leur mise en application et leur sentence sur les innovateurs, et sur les innovations. يقول الشيخ فليفهم الفطناء. Et Cheikh de nous dire que ceux qui sont doués de raison et d'intelligence doivent comprendre. Donc dans ce passage, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala nous montre que le verset qu'il a cité et que le hadith cherché cité par Cheikh Ruhaili et d'autres preuves de la législation nous font comprendre que le but de blâmer les gens de l'innovation et d'avertir contre eux, d'abord en priorité, il revient l'intérêt et le but, l'intérêt revient à celui qui les délaisse et qui s'éloigne d'eux, même s'ils sont des hommes de science. Et il nous montre aussi que la mise en application du salaf, de le plus prédécesseur, de la mise en quarantaine, les salafis d'aujourd'hui et contemporains n'arrivent pas à leur cheville. Et malgré tout ça, n'arrivent pas à la position qu'ils avaient les plus prédécesseurs de Allah. Et malgré tout ça, ils sont traités comme quoi? Ce sont des durs et ce sont des extrémistes. Comprends ça bien, barakallahu fik. C'est un enseignement d'un père qui veut le bien pour sa jeunesse, pour la jeunesse musulmane, pour les jeunes salafis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie, qu'il lui donne la santé, qu'il lui allonge sa vie dans son obéissance. Et qu'il nous fasse profiter de sa science. قال الدكتور إبراهيم في صفحة 21-22 وبهذا يتبين مشروعية مهاجرة من يخشى من مجالسته الضرر على الدين من سائر أصحاب المخالفات. وأما من لا يخشى على نفسه الضرر بمجالسة المخالفين كأهل العلم الذين يرجى انتفاع المخالفين بهم من غير ضرر يلحق العالم في دينه فهؤلاء لا تشرع في حقهم المهاجرة بل قد يكون المشروع لهم مجالسة هؤلاء المخالفين إن تحققت بذلك مصلحة راجحة. الدكتور إبراهيم الرحيلي à la page 21-22, que le site Cheikh ici pour l'analyser, Cheikh Rabi, il dit, avec ça, nous sommes éclairés sur comme quoi l'hajr, qu'il est légiféré de délaisser que celui qui a peur d'être influencé par les gens qui sont en divergence avec la sunna, il a le droit de les délaisser. Il peut les délaisser qu'il est légiféré pour lui. Et il dit, quant à celui qui n'a pas peur pour lui, hein, il n'a pas peur du fait de se mélanger, de s'asseoir avec ceux qui sont en divergence, et ceux parmi les hommes de science, et qu'il y a espoir que ceux qui sont en divergence profitent de lui sans que lui il soit atteint par un mal dans sa religion ou autre, il a dit cela, il n'est pas légiféré qu'il quitte ceux qui sont en divergence avec eux. Il dit, peut-être même, hein, qu'il est légiféré à leur niveau de s'asseoir avec ceux qui sont en divergence, si le fait de s'asseoir avec eux, il y a un intérêt qui est sûr. Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, de commenter ceci en disant de la place, il aurait dit, ce qui est légiféré, c'est d'appeler les gens qui suivent les passions et les désobéissances vers Allah subhanahu wa ta'ala, si, hein, ils répondent, hein, sinon, s'ils ne répondent pas à l'appel, la preuve a été accomplie. يقول الدكتور ربيع المقصد الثاني الهجر لمصلحة الأمة فيشرع هجر من في هجر نفع متعد للأمة كهجر بعض أصحاب المخالفات بحيث يؤثر هجرهم في زجر غيرهم عن فعل مثلهم. Il dit, Cheikh الدكتور إبراهيم الرحيلي, il dit, le deuxième but pour le hajr, c'est le fait de délaisser quelqu'un pour l'intérêt de la communauté. Donc il est légiféré de délaisser quelqu'un quand l'intérêt est pour toute la communauté. Comme le fait de délaisser certains qui sont dans la divergence avec la voie. Et que le fait de délaisser va influencer les autres pour ne pas faire comme eux. Et le fait de délaisser va influencer les autres de ne pas faire comme eux. يقول الشيخ الدكتور إبراهيم وشاهد هذا من السنة ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين عليه الدين فيسأل هل ترك فضلا فإن حدث أنه ترك وفاء صلى الله قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. Il dit les témoignages pour ceci dans la sunna, c'est ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim du hadith d'Abi Hurairah radiallahu anhu arda, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ramenait le mort pour faire la prière du mort dessus. Et si le mort, il a un crédit qu'il n'a pas payé, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam posait la question, est-ce qu'il a délaissé quelque chose, c'est-à-dire est-ce qu'il a délaissé quelque chose pour que son crédit soit payé. Si on lui dit, il a délaissé quelque chose avec laquelle il sera acquitté de son crédit, il fait la prière sur lui. Et si les musulmans, sinon, s'il n'a rien délaissé, ben il leur dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne prie pas sur lui, il dit aux autres, priez sur votre compagnon. يقول الدكتور إبراهيم الرحيلي فالنبي إنما ترك الصلاة على هذا الرجل وهو صاحب الدين الذي لا وفاء له من أجل زجر الناس عن مثل فعله كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et الدكتور إبراهيم الرحيلي de nous dire que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a délaissé la prière sur quelqu'un qui est mort alors qu'il a un crédit et que il n'a rien laissé pour que s'acquitter de ce crédit, c'est pour réprimander les autres, pour qu'ils ne fassent pas, que les autres ne fassent pas comme lui. C'est-à-dire que les autres doivent prendre la leçon pour ne pas faire comme lui. Comme il est confirmé par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام أما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين ومن امتنع من الصلاة على أحد منهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغالي وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على البدع كان عمله بهذا السنة بهذه السنة حسنة. Il a, Cheikh Ibrahim Rouhali, il cite les paroles de Cheikh l'Islam de Thémy, il dit, Cheikh l'Islam de Thémy a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de 60 miséricordes. Quant à celui qui connaît, tout le monde connaît sa perversité, et il a de la foi, comme les gens qui font les péchés capitaux, cela il est obligatoire de prier, que certains musulmans doivent prier sur eux au moment de où ils sont morts. Et ceux qui refusent de prier sur eux, c'est pour donner la leçon aux autres, pour qu'ils ne fassent pas comme eux. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a refusé de prier sur celui qui s'est donné la mort, et pour celui qui a pris du butin, et comme celui qui a un crédit, il est mort, il a laissé le crédit, il n'a rien laissé pour que son crédit soit payé. Et comme beaucoup des pieux prédécesseurs faisaient, ils refusaient de prier sur les gens de l'innovation, dit celui qui agit ainsi, ben il a mis une bonne sunna en application. يقول الشيخ ربيع حفظه الله أقول إن شيخ الإسلام يريد أن يقرر أن الصلاة على الفساق ونحمهم مشروعة، لكن من السنة الحسنة أن يمتنع من يقتدى به من العلماء عن الصلاة على البدع والفسق. Cheikh Rabi' de nous dire, Cheikh l'Islam veut nous confirmer ici que le fait de prier sur les pervers, ceux qui sont dans la désobéissance, qui tombent dans les péchés, etc., que le fait de prier sur eux est légiféré, mais fait partie de la bonne sunna, que ceux qui sont pris comme exemple, comme les hommes de science, etc., qu'ils doivent pas, ils n'ont pas à prier sur eux. Ils n'ont pas à prier sur les gens de l'innovation et sur ceux, il faut ça. Parce qu'ils sont un modèle. يقول الشيخ ربيع ومن هنا احتج بامتناع إمام الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغالي وعلى المدين واعتقد أن هذا قصدك، لكن في كلامك شيء من الغموض. وعلى كل فهذا المقصد مهم جدا، لأن في القيام به حماية للأمة من مكايد أهل البدع والأهواء ومن شرور أهل الفساد والفسق. Il dit, حفظه الله تعالى, c'est le Cheikh Rabih, partant de là, c'est pour ça que Cheikh l'Islam le Taymiyyah a pris comme preuve la position de l'imam de la communauté qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris comme preuve le fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié sur celui qui s'est donné la mort, et sur celui qui a volé dans le butin, et sur celui qui est mort en ayant un crédit, qui n'a pas laissé quelque chose pour s'acquitter de son crédit. Et Cheikh de dire à Cheikh Ibrahim Rouhali, et je crois que c'est ton but, mais dans tes paroles, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il dit, de toute façon, c'est un noble but, et c'est un but qui est très important. Parce que le fait d'accomplir ce but, il y a la protection de la communauté des ruses et des manigances des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion, et du mal des gens du mal et de la perversité. يقول الشيخ ربيع وسد ذرائع الفتن وأسبابها من أهم الأصول التي وردت فيها نصوص كثيرة أوصلها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين إلى 99 نصا وألف شيخ الإسلام في ذلك كتابا. Et Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى de dire, le fait de fermer les portes de la fitna et les causes et les moyens qui vont amener la fitna fait partie des fondements très importants qui sont cités dans de nombreux textes. Et l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il les a comptabilisés, il en a cité 99 textes. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah, il a écrit un livre à ce niveau-là, c'est-à-dire sur les moyens et le fait de fermer les portes de la fitna et ses causes. Et donc dans ce passage, le Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala il y a un éclaircissement, un plus, un éclaircissement de plus de ce qui est voulu à, du but de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahmatullah alayh, dans ce qu'a rapporté le docteur Ibrahim al-Rahali, dans le fait de délaisser la prière sur ceux qui se montrent dans les péchés capitaux et les gens de l'innovation. Et il nous a montré aussi la hikma de ça. La hikma, c'est que ceux, que les gens ne les suivent pas dans cette voie-là. Sinon, il va leur arriver la même chose. La prière va être délaissée sur eux au moment de la mort. قال الدكتور إبراهيم الرحيلي في صفحة 23-24 المقصد الثالث الهجر لمصلحة المهجور صاحب المخالفة فيشرع هجر أصحاب المخالفات من أهل البدع والمعاصي إن كان في أجر مصلحة لهم بالرجوع عن المخالفة والتوبة منها الشيخ ربيع de nous dire que le docteur Ibrahim al-Ruhayli à la page 23 et la page 24 de sa nasiha a dit le troisième but du hajr. Il dit le hajr pour l'intérêt de celui qu'on met à la quarantaine, celui qu'on délaisse de côté, parmi les gens qui sont tombés dans la divergence avec la voie ou avec la sunna. Il dit il est légiféré, docteur Ibrahim al-Ruhayli il dit il est légiféré de délaisser, de mettre de côté les gens qui sont dans divergence parmi les gens de l'innovation et de la désobéissance. Si dans le fait de les mettre de côté, il y a un intérêt pour eux, pour qu'ils reviennent de leur divergence et pour qu'ils se repentent. Yaqulu Cheikh Ibrahim Dr. Ruhayli, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ramène vers la voie et qu'il accepte le conseil de Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, يقول ويدل على هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه حتى تابوا وندموا على ما هو ثابت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك اخرجه البخاري ومسلم. Et Cheikh Ibrahim al-Ruhayli dit prouve, il prend comme prouve pour ce troisième but le fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajr de Ka'b ibn Malik et de ses deux compagnons qui se sont absentés de la bataille de Tabouk. Il a fait le hajr jusqu'à ce qu'il l'ait regretté et qu'ils se sont repentis, comme il est confirmé dans les authentiques dans le hadith de Ka'b ibn Malik. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Mais Cheikh Rabi, il dit, en bas de la page, mais Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons, ils ont regretté, ils se sont repentis depuis que le prophète, alayhi sallam, est revenu de la bataille du Tabouk. Et malgré tout ça, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a mis en quarantaine tous les trois, et il a ordonné à ses compagnons de les mettre en quarantaine, de ne pas leur parler, jusqu'à ce que leur repentir est descendu dans une révélation après 50 nuits de Hajj. Et ceci est très important. Ce commentaire qu'il a mis cher ici est très important. يقول الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي وشواهد ذلك كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هدي السلف المقتدين به في ذلك في أجر بعض المخالفين زجرا بعض المخالفين زجرا لهم وتأديبا. الشيخ إبراهيم الرحيلي يدير التمونياج dont la biographie du prophète alayhi salatu wasalam sont nombreux, ainsi que dont la voix des pieux prédécesseurs qui ont pris comme modèle le messager alayhi salatu wasalam, dont le fait de délaisser ceux qui sont dans divergence pour les éduquer et leur donner la leçon et les réprimander. Yaqul al-doktor, دكتور إبراهيم الرحيلي وهذا النوع من الهجر وهو الهجر لمصلحة المخالف مع كونه مشروعا من حيث الأصل إلا أنه لا بد من مراعاة الضوابط المتعلقة بتحقيقه وتنزيله على المعينين المعينين من أصحاب المخالفات وهو ما سيتم بيانه في الفقرة التالية. Cheikh Ruhayli de dire à la fin de ce passage cité ici par Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, ce genre de hajr, qui est le fait de délaisser quelqu'un pour son intérêt, de délaisser celui qui est en divergence avec la sunna pour son intérêt, malgré que ceci est légiféré, hein? Mais il faut prendre en considération certaines règles qui ont rapport avec l'accomplissement de ce fondement et avec le fait de l'utiliser sur un individu bien précis parmi les gens qui sont tombés dans les divergences. Il dit ce qu'il va, et c'est ce qu'il va éclairer dans le paragraphe suivant. Et maintenant, avec le commentaire de ce passage de Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Aqoul, أولا رجوع أهل البدع عن ضلالاتهم من أصعب الصعوبات عليهم لأنهم يرون أن بدعهم من الدين يتقربون بها إلى الله هذا إلى جانب ما فيه من العناد والاستكبار الشيخ ربيع يقول premièrement le retour des gens de l'innovation de leur égarement c'est quelque chose de très difficile pour eux car ils voient que leur innovation font partie de la religion et ils se rapprochent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses innovations. En plus, à côté de ça, ils sont entêtés et ils sont orgueilleux. Ils ont de l'orgueil, il y a de l'orgueil et de l'entêtement pour leur innovation. Tanian, إذا كان العالم مهتما بمصلحة المهجور فيهجره زجرا له لعله يعود إلى الحق. فاعتقد فيه أنه يضع نصب عينيه مصلحة الأمة في الدرجة الأولى قبل مراعاته لمصلحة المهجور. Écoute bien. Deuxièmement, si l'homme de science s'occupe de l'intérêt de celui qui doit être, qu'il va délaisser et mettre de côté pour le réprimander, pour le rééduquer, pour qu'il revienne à la vérité, il dit je crois en ce savant, hein, qu'il doit mettre en face de lui, hein, l'intérêt de la communauté en priorité avant de prendre en considération l'intérêt de celui qui va être délaissé, mis de côté. T'as bien capté le message que te fait passer ici Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, que tu comprennes comment les règles sont utilisées, elles doivent être utilisées d'une façon saine. يقول الشيخ ربيع حفظه الله ولذا قل ما تجد السلف يراعون هذه المسألة في مواقفهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم لذا ترى جل بل كل الأئمة لا يلتفتون فيه إلى هذه المصلحة الخاصة بالمهجور الشيخ ربيع de nous dire et c'est le spécialiste en la matière il dit hein, tu ne trouveras pas hein, chez Salaf, qu'ils prennent en considération dans leur position, hein, et dans leurs paroles, dans ce qu'ils écrivent, hein, ce point, l'intérêt de celui qu'ils mettent de côté. Il dit, c'est pour ça que tu vois la plus grande partie des imams, ils ne se préoccupent pas de l'intérêt particulier de celui qui, du major, de celui qui doit être délaissé, de celui qu'ils m'ont dit. Ils ont mis de côté. Comprends bien ça. Parce que Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, c'est quelqu'un qui baigne dans les positions d'Yel Salaf et qui les a maîtrisées et qui sait comment ils étaient. C'est pour ça qu'au départ, il t'a dit où sommes-nous de la position d'Yel Salaf, hein, et de leur sentence et comment ils étaient, et que nous, il parle de lui et de tous ceux qui sont sur sa même voie parmi les salafis, il a dit, on n'est pas encore arrivé à eux, et malgré tout ça, on est traité comme quand on est des extrémistes, etc. يقول الشيخ ربيع قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين et Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala de nous citer les paroles de nos pieux prédécesseurs et il cite ici Cheikh l'Islam Abu Uthman Sabouni dans son livre Aqidat al-Salaf Ashab al-Hadith les croyants des pieux prédécesseurs les gens du Hadith. Et Imam Sabouni, il dit dans ce que cite Cheikh Rabi ici, et ils prennent la voie de leurs pieux prédécesseurs parmi les imams de la religion et les hommes de science des musulmans. Et ils se cramponnent à la voie sur laquelle ils étaient. Et ils se cramponnent à la religion solide sur laquelle ils étaient. Et à la vérité claire sur laquelle ils étaient. يقول ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. Et il cite toujours les paroles du cheikh l'islam Abu Uthman Sabouni. Abu Uthman Sabouni de le dire dans son livre, et il déteste, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, détestent les gens de l'innovation. Et détestent qu'ils ont innové dans la religion qui ne fait pas partie de la religion. Et ils ne les aiment pas, ils ne les accompagnent pas, ils n'écoutent pas leurs paroles, ils ne s'assoient pas avec eux, ils ne polémiquent pas dans la religion avec eux, ils ne débattent pas avec eux. Ainsi ils étaient nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum. يقول والكلام لأبو عثمان الصابوني رحمه الله ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب درت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت وفيه أنزل الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذنك l'imam Sabouni de continuer de dire, et les pieux prédécesseurs protégeaient leurs oreilles de ne pas entendre les paroles et les fausses paroles des gens de l'innovation. Car s'il passe par l'oreille, il va s'ancrer dans le cœur, il va faire du mal, il va amener des perturbations et des mauvaises perturbations. Hein? Et il va ramener, drainer des choses qui sont mauvaises. Et il dit dans ce sens-là, il dit dans le verset, dans la traduction approximative, il nous dit ceci, si tu vois ceux hein, qui litigent sur nos versets, détourne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils parlent sur autre chose. Ça, dans ce passage à l'islam, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala nous montre que le retour des gens de l'innovation de leur égarement est très difficile. Il nous montre aussi que si l'homme de science s'occupe et se préoccupe de l'intérêt de celui qui doit être délaissé à la quarantaine, il doit mettre en priorité en face de ses yeux l'intérêt de la communauté avant l'intérêt de celui qui va être mis à la quarantaine. Il dit hein? Salaf ne se préoccupait pas de l'intérêt du major, de celui qu'il délaisse son compagnon dans leur position et dans leur livre. Et devant toi, les paroles que tu as entendues de l'imam Sabouni et des imams d'Al-Salaf et leurs disciples qui étaient sur leur voie. Ils détestent les gens de l'innovation. Ils détestent leurs paroles. Ils ne les écoutent pas. Ils ne s'assoient pas avec eux. Par religion et par peur pour eux de leurs ambiguïtés. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont, nos jeunes, maintenant, de te dire « Ouais, je vais écouter, je vais prendre le bien, je laisse le mal. » Comment tu peux discerner entre le bien et le mal? Comment tu tombes dans une divergence avec tes pieux prédécesseurs, Ridwanullah alayhim? T'as pas peur pour toi? Tu as tellement de science pour que, hein? Tu es tellement sûr de toi? Akhal Islam, il faut savoir reconnaître notre place où il est. يقول الشيخ ربيع وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة خلال شرحه لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك ومنهم كعب رضي الله عنه. الشيخ ربيع de nous citer la parole de l'imam al-Baghawi رحمه الله dans ses recueils شرح السنة. Au moment où l'imam al-Baghawi رحمه الله a fait l'interprétation du hadith de كعب بن مالك رضي الله عنه concernant l'absence des trois compagnons qui se sont absentés de Tabouk, de la bataille de Tabouk, qui fait partie de Ka'b ibn Malik qui rapporte le hadith. يقول الإمام البغوي رحمه الله وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. Et l'imam al-Baghawi de nous dire dans ce que nous cite Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala ici, il y a une preuve comme quoi le fait de délaisser les gens de l'innovation, c'est pour toujours. Tant qu'ils ne reviennent pas. Oui, c'est pour toujours. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a eu peur. Dit l'imam al-Baghawi rahimahullah, a eu peur pour Ka'b Malik et pour ses deux compagnons ne pas tomber dans l'hypocrisie quand ils se sont absentés, ils ne sont pas sortis pour la bataille de Tabouk. Et il a ordonné qu'on les mette à la quarantaine, qu'on les délaisse de côté, qu'on ne leur parle pas, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et a fait descendre un Coran qui concerne leur repentir. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a su leur innocence. Et les nobles compagnons ainsi que leurs successeurs, et les successeurs des tabi'in, et les imams de la sunna et les hommes de science sont à l'unanimité sur le fait qu'il faut désavouer et mettre de côté les gens de la bid'a et les prendre comme ennemis. Hein? Parce qu'ils sont les ennemis de la sunna du prophète, et de les mettre de côté et de s'éloigner d'eux. Talitan yaqulu Cheikh Rabi'i, قلت وشواهد ذلك كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هدي السلف المقتدين به في ذلك في هجر بعض المخالفين شجرا لهم وتأديبا. شيخ ربيع troisièmement pour ce paragraphe, il dit فليتك ذكرت كثيرا من هذه الشواهد ليكون الشباب على بصيرة من أمرهم. شيخ ربيع de dire troisièmement tu as dit et les témoignages sont nombreux dans la biographie du prophète alayhi sallam, ainsi dans la voie des pieux prédécesseurs qui ont pris comme modèle le messager alayhi sallam, dans le fait de délaisser ceux qui sont en divergence avec la voie et pour les réprimander et pour les rééduquer. Cheikh Rabi' de dire, docteur, si tu avais cité beaucoup parmi ces témoignages pour que les jeunes ils aient une clairvoyance dans leur situation, et il dit en bas, Et pour conseiller, et que le conseil soit complet, et pour protéger les musulmans du mal et de la fitna des gens de l'innovation. Donc ici encore une fois, frère Allah Azza wa Jal, dans ce passage, l'imam Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, faire quoi? De nous rapporter les paroles de l'imam al-Baghawi, qui prouve l'unanimité des salafs sur le fait de détester les gens de l'innovation et de les délaisser pour toujours, sauf s'ils se repentent. Et Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala attire l'intention de Cheikh Ibrahim Rahili quand il a écrit comme quoi il y a beaucoup de témoignages dans la biographie du prophète et la voix du plus prédécesseur d'Allah. Il attire son intention. Il lui dit, docteur, tu aurais dû ramener ces témoignages pour que les jeunes soient dans une clarté. Pourquoi? Parce que la risala du Cheikh Rouhayri est une risala de nasiha pour la jeunesse à travers le monde, comme il l'a dit. Et donc il était Cheikh Rabi Hafidhahullah attire son intention sur le fait qu'il aurait dû ramener beaucoup de témoignages pour que la situation devienne claire à la jeunesse. Et tu vois bien, à l'islam, que le fait de faire allusion à des choses ne suffit pas pour notre jeunesse. Notamment ceux qui sont en Europe et qui n'ont pas l'arabe, etc., qu'il leur faut des témoignages, etc., et des explications. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre ses saintes miséricordes et qu'il lui donne le feu de la Cheikh Rabi et tous ces grands machaïrs comme Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madghali et Cheikh Ubaid qui font ce genre de détails sur les gens de l'innovation, et Cheikh Zayd aussi et d'autres. قال الدكتور إبراهيم في صفحة 25 سابعا ينبغي للناظر في مصلحة الهجر المخالف للمقصد الثالث من مقاصد الهجر وهو هجر المخالف لمصلحته وإصلاحه مراعاة الضوابط الشرعية التي نص عليها الأئمة المحققون في هذا الباب في هذا الباب والتي من خلالها يتبين على وجه الدقة من يشرع هجره ممن لا يشرع هجره من المخالفين ومن هذه الضوابط. إيه الشيخ ربيع دي نسيتي أنكور دي با دي باساج دو لنصيحة دو الشيخ إبراهيم الروحيلي على باج 25 إيه دي ستيامو c'est-à-dire Cheikh Rouhaili. Il est du devoir, il faut que celui qui regarde dans le sujet de l'hajr, hein, fait de mettre à la quarantaine et de délaisser celui qui est en divergence, hein, faut qu'il voit le but du hajr. Et il fait allusion aussi au troisième but, qui est le fait de prendre en considération l'intérêt de celui qu'on doit mettre à la quarantaine. Et il dit, il faut prendre en considération les règles légiférées qu'ont instauré les imams authentificateurs à ce niveau-là, et à travers laquelle nous apparaît, hein, minutieusement, qui on doit mettre à la quarantaine, qui on doit délaisser, et qui on ne doit pas délaisser parmi ceux qui sont tombés dans la divergence. Il dit, il fait partie de ces règles. يقول ومن هذه الضوابط أولا ما يتعلق بالهاجر وهو أن يكون قويا مؤثرا بحيث يؤثر هجره في زجر المخالف أما إن كان ضعيفا فإن هجره لا يؤدي الغرض وهذا إذا كان المقصود من الهجر هو تأديب المخالف أما إذا كان القصد هو النظر لمصلحة الهاجر بحيث يخشى عليه الضرر في دينه من مخالطة المخالف فله أن يهجر كل من يتضرر بمجالسته ومخالطته كما تقدم تقرير ذلك. La première règle que cite le docteur Ibrahim al-Ruhaili ici, il dit, premièrement, hein, le point qui a rapport avec celui qui va mettre à la quarantaine quelqu'un. Il dit, il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il y ait de l'influence. De telle façon que quand il délaisse quelqu'un, il le met de côté. Hein, ceci va influencer celui qui y met de côté. Hein? Il va avoir un impact sur celui qui y met de côté. Mais s'il est faible et que le fait de mettre quelqu'un de côté n'amène pas le but, n'amène pas au but, hein? Alors il dit, s'il veut par son hajr, le but de son hajr, c'est d'éduquer celui qui est en divergence. Il dit, mais si le but, c'est de regarder d'abord l'intérêt de celui qui met en quarantaine quelqu'un, hein, que celui qui met en quarantaine, il a peur pour lui, il a peur pour sa religion, du fait de se mélanger avec quelqu'un qui est en divergence. Dans ces cas-là, il a le droit de délaisser, de mettre de côté tout un chacun qui va lui faire du mal dans sa religion, et de ne pas l'accompagner, de ne pas s'asseoir avec lui, de ne pas se mélanger à lui, comme il a été confirmé auparavant. Maintenant, à l'analyse du Cheikh ربي حفظه الله أقول ما أكثر من يتأثر بأهل البدع والباطل فيقع في ضلالهم لا من العوام وطلاب العلم بل ممن يدعى له ويعتقد فيه إنه عالم لذا كان تحذير أهل العلم لعموم الناس من مجالسة أهل الباطل ومخالطتهم ومن أقوال السلف إن البدع خطافة. الشيخ ربيع دودير كومبيان de gens sont influencés par les gens de l'innovation, par le faux. Ils tombent dans leurs égarements, pas tout simplement parmi les communs. Et les demandeurs de science, même ceux qu'on croit qu'ils sont des hommes de science, ils tombent dans les girons, dans les filets de ces innovateurs. Ils se font influencer par eux. Il dit, c'est pour ça que les hommes de science avertissaient d'un grand avertissement le commun des musulmans pour ne pas s'asseoir avec les gens de faux, pour ne pas se mélanger avec eux et d'être en compagnie avec eux. Et il dit, parmi les paroles d'El Salaf, que les innovations font en effet de l'aimant, qu'ils tirent vers elles. يقول الشيخ حفظه الله وكان جبال العلم من أمثال ابن سيرين وأيوب السختياني يرفضون سماع كلام أهل البدع إذا طلب منهم ذلك ولو كان المعروض عليهم قراءة القرآن كل ذلك حفاظا على عقائدهم وتجنبا للوقوع في الفتن. Et Cheikh Rabi' d'attirer notre attention, il dit les montants de science comme Ibn Sirin rahimahullah ou Ayyub Sikhtiyani rahimahullah, ils refusaient d'entendre les paroles des gens de l'innovation quand ils leur demandaient ceci. Même ce qu'ils vont dire, si c'est la lecture du Coran, ils se préservaient, tout ça pour préserver leurs croyants et pour éviter de tomber dans la fitna. يقول ولقد وقع عدد من كبار العلماء في حبائل أهل الباطل كعبد الرزاق السنعاني وقع في التشيع ويعقوب بن شيبة وغيره وقعوا في فتنة الوقف في القرآن والبيهقي تأثر بابن فرق فوقع في شيء من الأشعرية وابن عقيل وقع في حباله في حبائل المعتزلة وكم من المنتسبين للعلم والمدعين للسلفية وقعوا في الفتنة بسبب مجالستهم وسماعهم لأهل الباطل وقراءتهم لكتبهم وفي ذلك كعبرة كبرى وذكرى لقوم يعقلون. Il dit, حفظه الله تعالى, الشيخ ربيع, hein? Combien de grands hommes de science sont tombés dans les filets des gens du faux, comme Abd al-Razzaq Sun'ani rahimahullah, qui est tombé dans certaines formes du tashayyu, Yaqub ibn Shaybah du même. Ils ont des grands livres de la sunna qui sont des références, et Yaqub ibn Shayba et d'autres sont tombés dans le fait de s'arrêter devant le Coran, de ne pas dire ni c'est la parole d'Allah, ni les mkhlouq, ni kada, kada. Le Bayhaqi a été influencé par Ibn Furq. Il est tombé dans certaines erreurs des Ash'arites. Ibn Uqayl, il est tombé dans les filets du Mu'tazila. Et combien parmi ceux qui ont la science et qui prétendent la salafia sont tombés dans la fitna à cause de leurs assises et de la compagnie et du fait d'entendre les gens du faux et de lire leurs livres. Et il y a dans ça une grande leçon pour ceux qui sont doués de raison. Et je t'ouvre une parenthèse ici. Abdul Malik Ramadani n'était pas un grand défenseur de la voie. Regarde ce qu'il a écrit dans le Khawarij. Regarde maintenant, il est influencé par qui? Par le Halabi et la bande d'El Halabi, parce qu'il est avec eux, parce qu'il les accompagne, voilà. Et qu'est-ce que vont dire ces jeunes qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas? On s'assoit avec tel, on va connaître la vérité, on laissera le faux. Ou alors il te dit, je me suis assis avec lui, j'ai rien entendu de faux. Quel discernement tu as pour faire la séparation entre le bien et le mal? Tu n'as pas peur pour toi, comme avaient peur pour eux les pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim? Où nous allons? Manque de science, manque de maîtrise des fondements d'El Salaf, manque de maturité dans le minhaj, beaucoup d'ignorance, les oreilles qui sont ouvertes à tout le monde, et vas-y, et on a la sécurité en plus. Nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala pour notre religion à l'islam. Tu vois encore dans ce passage à l'islam comment Cheikh Rabi Hamdallah ta'ala te montre comment ils étaient les hommes de science à avertir contre le fait de se mélanger avec les gens de l'innovation. Et que ceci ne concerne pas tout simplement le commun des musulmans. Des montagnes de science, parmi salaf, éviter d'écouter une parole. Même si un innovateur vient leur réciter le Coran, ils ferment leurs oreilles. Et certains hommes de science sont assis avec des gens de l'innovation. Ils sont tombés dans leur filet. Et dans ça, il y a une grande leçon à l'islam. Une grande leçon pour celui qui est intelligent, qui est doué de raison, pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la clairvoyance du cœur. Mais celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a aveuglé son cœur, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne cette clairvoyance. C'est tout ce que nous pouvons faire. قال الدكتور إبراهيم الرحيلي في صفحة 25-27 ما يتعلق بالمهجور وهو أن ينتفع بالهجر بحيث يؤثر فيه في الرجوع إلى الحق. إيه شيخ ربيع حفظه الله تعالى دونو سيتي أن نتخو باساج du livre d'Ibrahim al-Ruhayli à la page 25 à 27. Il dit deuxièmement ce qui a rapport avec celui qu'on met à la quarantaine. Est-ce que le Hajj va lui être bénéfique pour qu'il revienne à la vérité ou pas? يقول أما إذا كان لا ينتفع به بل قد يزيده بعدا وعدادا فلا يشرع هجره. وهذا يرجع إلى ما يرجع إما إلى ما جبل عليه بعض الناس من القوة والشدة وعدم الخضوع ولو كان في ذلك هلاكه. فمثل هذا لا ينتفع بالعقوبة والهجر وإنما قد ينتفع بالتأليف واللين. Il dit mais compte celui qu'on met à la quarantaine ne va pas, ça ne va pas lui être bénéfique, il va tout simplement s'éloigner encore plus et s'entêter encore plus, ben il n'est pas léger les ferrer le fait de le mettre à la quarantaine. Il dit ceci revient à la nature sur laquelle a été sont créées certaines personnes. Certains sont créés avec une certaine force et avec un caractère qui ne se soumet pas, ni même s'ils vont vers leur perte. Avec un caractère qui ne se soumet pas, même s'ils vont vers leur perte. Il dit dans ces cas-là, ce genre de personne, le châtier et le mettre de côté, ça ne va pas être bon pour lui. Mais il faut le rallier et être doux avec lui. Hein? يقول وقد يكون المؤثر في عدم انتفاع المؤثر في عدم انتفاع بعض الناس بالهجر بعض المؤثرات الخارجية كان يكون صاحب رئاسة أو مال أو جاه فمثل هؤلاء لا ينتفعون بالهجر في الغالب يعتقدون من استغنائهم عن الهاجر إذا ما هاجرهم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف السادة المطاعين في أقوائهم وأهل الجاه كأبي سفيان وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأمثالهم. Il dit aussi, il se peut aussi que celui qu'on veut mettre de côté, ça lui soit pas bénéfique. Il dit certaines personnes, hein, si on les met de côté, ça va pas leur être bénéfique. Et ceci a rapport avec certaines choses qui sont extérieurs. Peut-être que ces personnes sont à la tête de certaines tribus ou de certains services ou à la tête d'un état où ils ont de la fortune, où ils ont un pouvoir, ils ont un rang social. Il dit dans ces cas-là, ceux-là, le Hajj ne va pas leur être bénéfique en général. Parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas besoin de celui qui les a mis de côté. S'il les met de côté. Il dit, c'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était très doux, il essayait de rallier les cœurs de ceux qui étaient oubliés par leur tribu et leur village et ainsi de suite, et ceux qui avaient des ronds dans la société. Comme Abu Sufyan radiyallahu anhu arda, Uyayn ibn Hussein radiyallahu anhu arda, Al-Aqla ibn Habis, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous et d'autres. Toujours les paroles sont à Cheikh Ibrahim al-Ruhayli. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم. انتهى مجموع الفتاوى Il cite Cheikh Ibrahim al-Huayli, il cite ici, pour appuyer ce qu'il a avancé, les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans le tome 28 à la page 206. Dit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah, il a dit, c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ralliait le cœur de certains, populations, et il mettait à la quarantaine d'autres, il les délaissait, les ajr. C'est pour ça que ceux qui se sont absentés de la bataille de Tabouk, ils étaient mieux que certains que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam essayait de les attirer et de s'accaparer de leur cœur. Alors, parce qu'ils étaient les nobles et ceux qui étaient oubliés dans leur tribu et dans leur village et ainsi de suite. Et ici s'arrête les paroles de Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dans le tome 28, page 206. يقول الدكتور الرحيلي حفظه الله تعالى وهذا نوياه إلى الصواب وإلى الحق ثالثا ما يتعلق بنوع المخالفة فليس هناك نوع من المخالفات يمكن أن يقال يهجر عليها في كل حال أو لا يهجر عليها في كل حال كما يظن البعض أنه يهجر على البدع دون المعاصي أو على البدع المكفرة دون غيرها أو على الكبائر دون الصغائر بل يشرع الهجر على كل مخالفة ولو كانت صغيرة إذا كان المخالف Et troisièmement, dit Cheikh al-Ruhayli, Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala le ramène vers la voie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il profite de ses conseils et de ses commentaires, de cette analyse de Cheikh Rabi, Allah ta'ala. Il dit troisièmement, ce qui a rapport, le troisième point, il a rapport avec le genre de la divergence. Il dit, il n'y a pas une divergence de laquelle on peut dire celle-là on peut agir pour elle tout le temps ou celle-là on ne gère pas comme le pensent certaines personnes qu'il faut faire l'hajr pour les innovations et pas pour les péchés capitaux et les désobéissances ou alors il faut faire l'hajr pour les innovations du domaine de la mécréance et pas pour d'autres où il faut faire l'hajr pour les péchés capitaux, sont les petits péchés. Et cher Ibrahim de dire, l'hajr est légiféré pour toute divergence, même s'il est petite. Si celui qui est tombé dans cette divergence fait partie de ceux qui, il est légiféré de le mettre à la quarantaine et qu'il va prendre la leçon de ce hajr. Yaqulu Cheikh Rabi'i, وبناء على هذا فقد يهجر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة يسيرة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على بعض المخالفات اليسيرة كتركه صلى الله عليه وسلم رد السلام على عمار بن ياسر رضي الله عنه حين تخلق بالزعفران أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح أبي داود وتركه رد السلام على صاحبه القبة حتى هدمها إلدي Cheikh Ruhayl est toujours, et partant de là, la mise en quarantaine peut se faire pour un noble homme de science, un noble homme de la sunna, parce qu'il est tombé dans une petite divergence, une légère divergence, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a rejeté certains de ses nobles compagnons pour une petite divergence qui est très... Comme il a dit, délaissé alayhi salatu salam, le fait de rendre salam à Ammar ibn Yasir, parce que tout simplement Ammar ibn Yasir s'est embelli avec le safran. Rapporté par Abu Daoud dans ses sunan, authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih Abu Daoud. Et, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le fait de saluer, et de rendre salam à la personne qui a construit un dôme, jusqu'à ce qu'il ait détruit ce dôme. يقول الشيخ إبراهيم الرحيلي وقد يترك هجر بعض أصحاب المخالفات العظيمة ممن هم دون المهجورين في الفضل ومن ذلك تألف النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس وعينة بن حصن بل تألفه لبعض المنافقين كعبد الله بن أبي وأمثاله وكل ذلك بحسب المصلحة ومراعاة الضوابط الأخرى في مسألة الهجر Et Cheikh Ruhayli continue de dire dans ce passage cité par Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala Il se peut qu'on délaisse, que l'âge soit délaissé pour certains qui sont tombés dans des grandes divergences. Et qui ne sont, des fois, par rapport à ceux que des fois on a délaissés sont dans un degré plus bas qu'eux au niveau des vertus. Il dit malgré tout ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a essayé de s'accaparer, a été doux avec l'Aqra ibn Habis, a essayé de rallier son cœur et de l'avoir de son côté, comme il l'a fait aussi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a essayé de s'accaparer des cœurs de certains hypocrites comme Abdullah ibn Ubay, et c'est similaire. Il dit Cheikh Rouhaili, et ceci c'est selon l'intérêt, et il faut prendre en considération aussi les règles, les autres règles en ce qui concerne l'Hajr. Et sache frère en Allah Azzawajal, ce sujet de l'Hajr, surtout ce passage concernant le Hajj, il a été analysé et réfuté par Cheikh Abdallah al-Bukhari dans une risala qu'inch'Allah on fera ensemble, qui s'appelle Méditation du Hajj, des méditations sur le Hajj. Et maintenant avec l'analyse de Cheikh Rabi et de sa critique, يقول أقول لكن بقي قسم ثالث وهو الأغالب من أهل البدع من عصور وهو إذا ما إذا كان هذا المبتدع التي تسميه بالمخالف لا ينفع فيه الهجر ولا اللين ولا التأليف وهو يدعو إلى بدعته أو مبتدع آخر أخطر وأنشط منه وهو يدعو الناس إلى البدع والضلال وله أنصار وأتباع يدعون إلى البدع والضلال ولهم مدارس ومناهج ولهم مدارس ومناهج وهم أهل عناد ومكابرة وتماد في غيهم وضلالهم كما هو الواقع فما هو حكم الله فيهم. Et chez Cheikh Rabi' d'attirer l'intention de dire, mais il reste une troisième catégorie qui est une grande partie des gens de l'innovation depuis plusieurs générations. C'est la catégorie que nous décrit Cheikh ici. C'est l'innovateur que tu appelles le divergent, le Hajr ne sert pas avec lui. Ni la douceur, ni le fait, ni la sympathie pourra allier son cœur. Et que ce mukhalif, ce mubtadi, appelle vers sa bid'a, ou il appelle vers un autre innovateur plus dangereux que lui et plus actif que lui, et il appelle les gens vers les innovations, vers les égarements, et il a des disciples et il a des gens qui le font triompher et des disciples qui appellent vers l'innovation, vers l'égarement. Ils ont des écoles, ils ont des voies, ils sont des gens de l'entêtement et de l'orgueil, et ils continuent, ils plongent et ils s'aventurent dans leur dépassement des limites et dans leur égarement, comme c'est la réalité maintenant. C'est quoi le hukm d'Allah en tout ça? Yaqulu الشيخ ربيع حفظه الله هل يجب أو يجوز السكوت عنهم أو يجب هجرهم وتحذير الناس منهم ومن بدعهم وضلالهم. الشيخ de poser la question, est-ce que il est permis ou il est obligatoire de se taire sur eux, ou alors il est obligatoire de les mettre, de les délaisser et d'avertir les gens contre eux, et d'avertir les gens contre leur égarement et que leur innovation? يقول الشيخ ربيع أعتقد أنك لا تخالف في مشروعية هجرانهم وبيان ضلالهم ونقد ضلالاتهم بالحجج والبراهين وهذا من منهج السلف الصالح. Il dit, nous s'adressons à Cheikh Ibrahim Rouhaili, je crois que tu ne vas pas être en divergence avec la légitimité et comme quoi il est légiféré de les mettre de côté et de montrer leur égarement et d'analyser et de critiquer leur égarement et de le refuter avec les preuves. Il dit ici la voix des pieux prédécesseurs, et ça c'est la voix des pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum. يقول الشيخ ربيع قولك وبناء على هذا فقد يهجر الرجل الفاضل صاحب السنة على مخالفة يسيرة واستشهادك بقصة عمار رضي الله عنه أقول هذا كلام جيد. Et الشيخ ربيع lui dit deuxièmement, le fait que tu dises partons de là, un homme vertueux, eh bien, peut être délaissé. Un homme de la sunna peut être mis de côté pour une petite divergence. Et Cheikh Rabi' de lui dire, et c'est très bien, et t'as pris comme preuve l'histoire de Ammar, et c'est très bien. Et ceci est une bonne parole. Et il lui pose la question, il dit « Lakin, لو فعل هذا أحد اليوم مع مدعي للسنة فضلا عن رجل فاضل فماذا سيواجه هذا الإنسان؟ وهذا يجرنا إلى عدد من الأسئلة والواقع اليوم يثيرها. » Et regarde maintenant, fais très attention à ce passage, hein? Parce qu'il est très important. Éveille-toi et prends-le en considération à l'islam, comme tout ce qui est passé. Mais il y a des points, des endroits où Cheikh, il attire l'attention, il met le point sur les i. Il dit maintenant, c'est quelqu'un, hein, agit, met de côté quelqu'un qui prétend la sunna, hein. Il ne met pas de côté quelqu'un, un noble qui est dans la sunna, mais tout simplement quelqu'un qui prétend être de la sunna. Comment on va l'attaquer? Comment on va accueillir son hajr et son avertissement? Il dit ça nous amène et ça nous entraîne à parler de beaucoup de questions qui sont la réalité et l'actualité de nos jours maintenant. يقول أولا هل هناك أحد عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجران عمار أو هجران الثلاثة أو غيره ممن هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم il dit premièrement est-ce que quelqu'un s'est opposé à الرسول صلى الله عليه وسلم quand il a هجر عمار ou quand il a هجر les trois qui se sont absentés de la bataille de Tabouk et d'autres parmi les gens que le رسول صلى الله عليه وسلم a هجر est-ce que quelqu'un s'est opposé à lui? Pourquoi maintenant on s'oppose au grand machaïr sur le hajr d'Yal Mghraoui, d'Yal Adnan Al-Aur, Abul Hassan, et vas-y la liste longue. Regarde. Deuxièmement, Cheikh il dit Hal qama mu'aridouna li Umar radiallahu anhu fi darbihi li sabiq in marratin wa amar al-nas bi hujrani. Il dit deuxièmement est-ce qu'il y a eu des opposants à Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda quand il a frappé Sabir plusieurs fois, il a ordonné le gens de le mettre à la quarantaine, de s'éloigner de lui. Hein? Et regarde maintenant qu'est-ce qu'on fait. Hein? Oui, hein? Ils l'ont jeté très vite. Pourquoi ils le délaissent comme ça? C'est un nom de la sunna et ainsi de suite. تاركا هل عارض أحد من أهل السنة في قتل الخوارج وبين ضلالهم وبين خطرهم troisièmement الشيخ il dit est-ce que quelqu'un parmi les gens de la sunna s'est opposé au fait de combattre les khawarij et de montrer leur égarement et de leur montrer leur danger رابعا هل كانت توجد معارضات من أهل السنة لمن كان يهجرهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره ويحذرون منهم كما هو الحاصل الآن تقوم جبهات للمعارضة بل والتشويه لأهل الحق والسنة ويجد المعارضون أنصارا ومؤيدين باسم السنة وباسم منهج السلف كخيمون Il dit, حفظه الله تعالى Est-ce qu'il y a eu des blocs d'opposition aux gens de la sunna parmi les gens de la sunna qui s'opposaient à l'imam Ahmed quand il a hajar certaines personnes et qui avertissaient contre les gens de la sunna comme il arrive aujourd'hui des blocs d'opposition ce bloc contre les avertissements des nobles hommes de la sunna et plus que ça pas tout simplement un bloc d'opposition mais ils dénigrent les hommes de la sunna et les gens de la vérité et ceux-là qui agissent ainsi trouvent ses opposants à la sunna et à la vérité trouvent des alliés au nom de la sunna et au nom de la voie des salaf. Réveillez-vous, frère en Allah Azza wa Jal. Où nous allons? يقول الشيخ أقول هذا لألفت نظرك ونظر القراء إلى الواقع المؤلم الذي يرتكبه كثير من المتلبسين بالسنة والذين يجدون لهم أنصارا ومؤيدين فتقوى بذلك شوكتهم وتتكاتف أضرارهم الشيخ ربيع يقول pour attirer ton attention et l'attention de ceux qui vont lire cette risala à la situation alarmante et à la situation qui fait du mal qu'au cause et qu'accomplissent certains qui se déguisent avec la sunna et avec la salafia et ils trouvent des alliés et des gens qui se mettent de leur côté et ainsi ils sont renforcés ils sont renforcés et leur mal ne fait que qu'augmenter. خامسا ما الذي استفاد الإسلام وأهل السنة من مجاملات أهل البدع والضلال ومن مجاملة من يدافع عنه بل وتوليه والدفاع عنه cinquièmement Cheikh Rabi' il dit c'est quoi l'intérêt quel intérêt pour l'islam et pour les gens de la sunna le fait de caresser les gens de la bid'a dans le sens du poil et les gens de l'égarement dans le sens du poil Et c'est quoi l'intérêt de caresser dans le sens du poil pour l'islam et pour les musulmans, pour les gens de la sunna, de caresser dans le sens du poil ceux qui s'allient avec les innovateurs et qui les défendent. سادسا قد يقال وما الذي استفاده الإسلام والسنة من هجران أهل الباطل والتحذير منهم. Et sixièmement, il sera dit. C'est quoi l'intérêt pour l'islam et les gens de la sunna le fait de délaisser de côté les gens du faux et d'avertir contre eux Et là ouvre tes oreilles mon frère en Allah Azza wa Jal et ma sœur en Allah Azza wa Jal. والجواب أن لذلك فوائد كثيرة منها أن المسلمين وخاصة عوامهم يستفيدون معرفة أن المهجور على باطل وضلال فيحذرونه ويزدادون تمسكا بالحق ويستفيد الهاجر أنه قد حقق خيرا كثيرا ومن ذلك La réponse du Cheikh à cette question il dit il y a beaucoup de points à retenir Il y a beaucoup de bien qu'il y a dans le fait d'avertir contre les gens de faux et de les mettre à la quarantaine. Les musulmans vont en profiter, et plus particulièrement les awam vont savoir que celui qui y met de côté et celui qui, sous l'avertissement, il est dans le faux et dans l'égarement, ils vont faire attention à lui. Et ils vont aller et s'acharner à se cramponner à la vérité. Et en plus, celui qui a mis à la quarantaine, il a accompli un grand bien et fait partie de ce bien, ce que va nous citer Cheikh. Alif, qiyamuhu biwajib al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. Premièrement, celui qui a mis à la quarantaine, il aura accompli l'obligation d'ordonner le bien et de blâmer le mal. ثانياً قيامه بأصل الولاء والبراء. Deuxièmement, il a accompli le fondement de l'alliance et le désaveu. ثالثا قيامه بواجب النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ثم نيله الثواب العظيم على قيامه بهذه الأصول العظيمة Et troisièmement, il a accompli le devoir du conseil pour Allah, pour le messager, pour le livre d'Allah, pour les imams des musulmans et pour leurs communs. Et il va hériter l'énorme récompense d'avoir accompli ce géant fondement. Et d'avoir accompli ce géant fondement. وهذه الأصول العظيمة والمقاصد الكريمة لها أدلتها عبر عليهن وفي الكتاب والسنة. Et ces nobles fondements et ces grands fondements ont leur but et leur preuve dans le livre et dans la Sunna. يقول الشيخ ربيع وفي الكتاب الدم الشديد لمن لا يقوم بها وهي معلومة لدى العلماء وطلاب العلم et dans le livre c'est-à-dire dans le livre d'Allah le blâme sévère et énorme pour celui qui n'accomplit pas ça ses fondements et ça c'est connu des hommes de science et des demandeurs de science يقول فكان ينبغي أن تذكر على رأس المقاصد ولا ينبغي إغفالها et il dit الشيخ ربيع il était important et il était du devoir de citer ces fondements à la tête des buts et il ne fallait pas les mettre de côté ni ne pas de fermer les yeux dessus. رابعا أن من يسكت عن أهل الباطل أو يدافع عنهم أو يداهنهم يقع في عدد من المخالفات العظيمة منها ما ينقض ما سلف ومنها التعاون على الإثم والعدوان مع أهل الباطل وخذلان الحق وأهله بل والطعن فيهم et donc dans ces trois petits le quatrième petit point dans les réponses qu'il a donné Cheikh ici il dit que celui qui tutait sur les gens du faux ou alors il les défend ou alors il les caresse dans le sens du poil tombe dans beaucoup de divergences qui sont énormes qui sont en contradiction avec les fondements cités auparavant. Et il y a parmi ceux-là le fait de s'entraider dans le mal et le fait d'être injuste. Hein? Et le fait de s'entraider dans le mal avec les gens du faux et de faiblir les gens de la vérité et de critiquer les gens de la vérité. سابعا أن مجاملة بعض من أهل السنة لمن وقع في الفتن والأباطل باسم التأليف لهم أو باعتبارهم من أهل السنة لم يفيد الإسلام شيئا بل زاد ذلك أهل الباطل عتوا وكبرياء وتماديا في أباطلهم. Le septième point que reprend Cheikh pour ce paragraphe, il dit le fait que certains hommes de la Sunna sont bien avec certains. Hein, et caresse dans le sens du poil certains qui sont tombés dans la fitna et certains du faux au nom du fait de les rallier et de l'avoir et de s'accaparer de leur cœur et hein, d'avoir de les attirer de la meilleure des façons ou en les considérant comme des gens de la sunna, ceci n'a été d'aucun résultat pour l'islam. Mais ceci a fait que les gens de faux sont devenus encore plus orgueilleux. Ils ont dépassé leurs limites et ils continuent, ils plongent encore de plus dans leur faux. Mais ils ont rajouté à tout ça quelque chose qui ne peut même pas arriver à l'esprit de quelqu'un. ألا وهو دفاعهم عن دعاة وحدة الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان وحرية الأديان إلى مخازي لا يتسع لذكرها المقام. Ils ont rajouté à ça quelque chose qui ne peut même pas arriver à l'esprit de quelqu'un, qui est le fait de défendre les prêcheurs de l'unicité des religions et les prêcheurs de qui appellent à la fraternité des religions et ceux qui disent l'égalité des religions et la liberté des religions et d'autres grandes catastrophes hein, que la situation ne permet pas de citer ici. يقول وهي معلومة عند أهل السنة المجاهدين المناضلين عن الكتاب والسنة ومنهج السلف. Il dit ومنهج السلف الصالح. Il dit ceci, c'est ce grand mal drainé par ces gens-là, il est connu des gens de la Sunna et ceux hein, les réels combattants qui défendent le livre et la sunna et la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhi. Donc en conclusion à l'islam hein, tu vois que ici Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala dans ce passage hein, nous montre que Dr Ruhaili a négligé de citer la troisième catégorie qui est la grande majorité maintenant des innovateurs depuis l'aube de l'islam et qui sont nombreux encore maintenant aujourd'hui, que ceux-là, ces entêtés, le fait d'être doigté avec eux, d'être bon avec eux, ça sert à rien. Et le fait de les mettre à côté, ça sert à rien non plus. Hein? Ils ont des alliés, alors qu'ils appellent à l'innovation, ils ont des alliés, ils ont des gens qui les renforcent, etc. Comme on le voit maintenant pour Ali Hassan, pour Adnan Al-Aour et d'autres. Et Cheikh Rabi' nous a montré hein, que aujourd'hui beaucoup de ceux qui sont déguisés avec la Sunna et la Salafia hein, s'attaquent ou répliquent sur les gens de l'innovation. Il y a la dureté qu'il faut avoir avec les gens de l'innovation. Et ces mêmes gens-là qui se déguisent avec la salafia font que leur force et leur dureté, ils la tournent vers les gens de la sunna. Et toute leur douceur, leur doigté, leur sagesse, ils la tournent vers les gens de l'innovation. Regarde, médite à l'islam. Le mal qui découle du fait de se taire sur les gens du faux et de les défendre. Alors que ceci ne draine que du mal pour l'islam et pour les musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter et mettre en application ce que ces règles et ces conseils que nous avons de Cheikh Rabi Hafidhahullah ta'ala. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu ilaykum. Wa jazakum Allah.